pas si je fais du bien, même rempli de vie, je sais pas si t'es sincère, sois pas si près de moi devant le précipice. L'amour c'est pas si vrai, on serait tous pacifistes. C'est rapide, ouais, la coupe n'est pas si pleine, mon cœur n'est pas si vide. Je vais pas pleurer, le jour du rest in peace, t'en pas citer. Les gens qui m'assistent, les frérots, c'est comme ma mif. J'ai les capacités, y'a qu'une seule place que je vis. Je sais pas si c'est le fait que je sois pas cité qui me rend moins légitime. Le FN s'affirme, je les emmerde, c'est raciste. Je peux pas m'y faire, et comme je sais pas siffler, je te crache dans ta petite gueule. Journal télévisé pour apprendre la dictée, y'a pas de pitié, c'est les mêmes invités. On oublie que ta fille meurt, mais ferme ta gueule, pourquoi tu conscientises? La dis, reste un peu dans ton bise, tu restes con quoi que t'en dises. Les femmes et l'argent quand ils s'étalent, si je dois faire un choix, je finis solo. Je vais pas rentrer, c'est pas assez tard. Au pire, je vais rabattre sur les photos. Je donne ma confiance si tu roules avec nous-mêmes, déçois pas. Parfois la vie joue des coups, mais je rends les coups comme au Muay Thai. Quand la vie rempart, je suis pas la carte. J'avais pas la carte, je me suis pas poiré. La vie c'est du Muay Thai, sauf qu'il y a qu'un onglet. Combat vient de tout part, mais je ne compte pas. Quand t'as percé, t'as tout, mais je peux penser à toi. Je suis l'écrit de la foule, je n'entends que ta voix. On voit être drôle, ça me saoule. La vie c'est une vie de joie. Et vu le prix, ça me coûte. Faudrait que je la nie 15 fois. Doucement, oui, je sais très bien que tous vont. Je vous laisse faire la course, ils se demandaient tous où j'étais pendant 12 temps. Double vent, quand je suis lancé sur le boulevard. Je pense que même de la poudre blanche, j'aurais vendu juste pour voir. Rien qui m'excite, tu peux toujours t'exhiber. C'est le sexy qui crambette, qu'importe le bif. C'est les mêmes qui se la disent, et le chic qui me tempère. C'est pas ta breaking qui va faire vivre les gens que t'aimes. Je veux faire des titres, disques de platine et des films légendaires. Je donne ma confiance si tu roules avec nous-mêmes, déçois pas. Parfois la vie joue des coups, mais je rends les coups comme au Muay Thai. Quand la vie rempart, je suis pas d'accord.